Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Les forêts vont bien, elles sont pleines de sapins, de Douglas plus précisément. Oui, mais dans les forêts comme dans le reste, le poison, c'est la dose. Et le Douglas, finalement, est trop présent pour être honnête. C'est bien une plantation d'arbres, mais est-ce qu'on peut appeler ça une forêt? T'entends les oiseaux, toi? C'est la négation du métier du forestier, ça, hein, quand on voit ça. La sylviculture, c'est devenu monumental. C'est la tendance générale de l'agriculture. Mais là, les engins qui interviennent en forêt, c'est complètement monstrueux. Les logiques, elles viennent de l'industrie du plastique, quoi, du pétrole et de la finance. À un moment donné, il faut percevoir que c'est pas mariable, ces deux logiques-là, quoi. Sapin 35. Et je vois la forêt peut-être plutôt comme une continuité que comme une plantation qui doit être couper pour finir le cycle. Notre objectif prioritaire, c'est de faire en sorte qu'il y ait un renouvellement et non un bilan financier positif. Un extrait du Temps des forêts, un documentaire de François-Xavier Drouet qui tire le signal d'alarme, comme vous le faites, Gaspard Dalens, dans votre livre « Bonjour ». Bonjour. Main basse sur nos forêts, publié aux éditions du Seuil. Le Douglas, c'est un arbre a priori que l'on aime bien, et c'est un arbre d'ailleurs aimable, sauf qu'il y en a trop. Mais avant d'évoquer cette multiplication du Douglas, peut-être nous dire ce qu'est cet arbre, Gaspard Dalens. Alors le Douglas, c'est un arbre qui est arrivé assez tardivement en France. Il est arrivé dans les années 60. Il faut savoir que c'est un très bel arbre au bois imputrescible, très bien pour le bois de la construction, mais qui vient à l'origine des forêts nord-américaines, les forêts d'Oregon, enfin voilà, ou de Nord-Californie. Et on l'a utilisé en France pour une bonne raison, en fait, c'est pour lancer en fait une forme d'industrialisation des forêts, faire des monocultures de Douglas, notamment. C'est très visible dans le Morvan, c'est visible aussi dans le Limousin. Dans le Limousin, aujourd'hui, 9 plants sur 10 sont du Douglas. 9 plants qui sont plantés chaque année sont du Douglas sur 10. Mais alors, c'est très bien parce que on est très heureux d'avoir des arbres. En quoi le fait qu'il y ait des Douglas constitue un problème? Expliquez-nous. Eh bien, tout est question de dose, en fait, comme vous le disiez au début. C'est-à-dire que le Douglas, c'est un très bel arbre. Le problème, c'est la logique qui va avec, c'est-à-dire la logique d'intensification et de monoculture. C'est-à-dire que une forêt, on est tous d'accord pour dire que c'est pas un champ d'arbres. Et aujourd'hui, les forêts sont en train de se métamorphoser en comme un champ de maïs. Et faut se rappeler un peu de la citation d'un homme politique français, Michel Cointat, qui disait « Dès que l'on peut faire de l'argent en forêt, on peut la traiter comme un champ de maïs ou un champ de patates. » C'est la même chose. Et voilà un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France depuis les années 70. C'est une métamorphose, en fait, qui pousse les forêts diversifiées, nos forêts de feuillus, de chênes, de hêtres, à être métamorphosées en forêts sombres, en désert biologique, avec les monocultures de Douglas. Parce que, voilà, évidemment, dans chaque monoculture, avec la monoculture, il y a aussi des conséquences environnementales qui vont arriver. Qu'est-ce qu'il y a comme effet secondaire, comme catastrophe annoncée, puisque finalement, c'est ce que vous dénoncez, vous, Gaspard Dalens? Oui. Bon, d'abord, c'est des forêts très sombres. Hein, quand il y a d'abord un impact, je pense aussi, paysager pour tout le monde qui se promène dans ces forêts. On est marqué par le silence qui domine, en fait. C'est les monocultures forestières créent un désert biologique. Parce qu'il n'y a pas d'arbres morts, pas d'arbres sénescents. Faut imaginer que c'est des arbres qui ont tous le même âge, la même hauteur, et qu'on va ensuite faucher au même moment. C'est-à-dire qu'on va les couper souvent à 35 ans, alors que le Douglas, dans les forêts nord-américaines, peut pousser jusqu'à 300-400 ans, en fait. On va le couper à 35 ans, alors qu'il n'est pas mature. Qu'est-ce que ça pose comme problème de ne pas le couper lorsqu'il est mature? Eh bien, parce qu'il va pomper pour grandir, il va pomper plein de choses dans le sol, et il va pas pouvoir, c'est uniquement quand il arrive à maturité, qu'il va pouvoir redonner ce qu'il a pompé dans le sol. Après, les monocultures résineuses produisent un effet que les podologues ont vraiment bien analysé, c'est l'acidification des sols. Donc peu à peu, on stérilise les sols. Et ensuite, vu qu'on plante au même moment toute une série d'arbres, on va les couper au même moment. Donc on fait une coupe rase avec la mécanisation, avec des abatteuses. Donc c'est des monstres mi-tractopelles, mi-moissonneuses batteuses qui vont faucher les forêts comme des champs d'arbres en fait. Et donc là, bien sûr, on va avoir des tassements de sol, de l'érosion, de la destruction des sols en fait. Et les sols sont très fragiles, les sols forestiers. Donc voilà, une multitude de conséquences environnementales qui vont désertifier nos forêts. Mais alors, Gaspard Dalin, si vous dites qu'on a affaire à une monoculture, comme dans un champ de maïs, est-ce que ça veut dire aussi que l'on peut trouver des intrants dans ces monocultures? Est-ce qu'on utilise des engrais, des produits chimiques? Oui, alors que le débat fait polémique dans l'agriculture. On en parle beaucoup, oui, du glyphosate. Tout le monde est au courant en fait de l'usage de pesticides et d'engrais dans l'agriculture. Mais qui sait que en forêt on utilise plus de 60 herbicides, pesticides. 60 herbicides? Oui, 60 types d'herbicides. Pour faire quoi? Alors pour dégager les parcelles, c'est-à-dire enlever les ronces, pour que les plants puissent se développer, pour aussi dévitaliser les souches qui ont été quand les arbres ont été coupés, voilà, enfin pour nettoyer les parcelles en fait. C'est ce que les industriels appellent un champ propre, mais c'est aussi un champ sans vie en fait qu'on crée avec ces 60 types d'herbicides et de pesticides qui, du fait de l'érosion, peuvent se retrouver aussi dans les rivières. Faut savoir que quand même la forêt est quand même un lieu aussi à la fois le dernier refuge de la biodiversité, mais aussi le lieu de captation de l'eau en fait pour de l'eau potable. Ce qui veut dire que les forêts ne sont pas du tout vierges de produits chimiques. Il y a une activité humaine intensive dans ces forêts, et par conséquent, on va retrouver exactement les mêmes problèmes qu'il y a dans les autres cultures qui ne sont pas des cultures biologiques. Oui. C'est ce que j'ai voulu montrer en fait dans mon livre, c'est montrer que la forêt n'est pas le dernier refuge et qu'il fallait faire voler en éclats cette illusion que la forêt serait le dernier espace vierge ou immaculé, le petit bol d'air immaculé de nos dimanches ensoleillés. Non, je ne crois pas. Je voulais montrer que dans la forêt, comme dans l'agriculture, il y a une logique industrielle qui est en train de se développer, qui n'est pas partout, hein, il faut non plus pas caricaturer, mais qui se retrouve dans certains territoires, comme le Morvan, comme le Limousin, comme les Landes, où là, on traite les forêts comme un minerai, comme un gisement en fait à exploiter. On est dans une forme d'extractivisme en fait forestier, où l'idée c'est pas de favoriser un écosystème, l'idée c'est d'extraire de la matière. On est dans cette logique-là et ça s'intensifie. Il faut voir dans les Landes notamment des apiculteurs qui s'étaient installés dans les forêts pour éviter de recevoir trop de pesticides dans les champs agricoles et qui retrouvent leur miel empoisonné par l'utilisation de glyphosate dans les forêts. Et alors, quelles sont les conséquences de cela? Qu'est-ce qu'on peut observer aujourd'hui d'ores et déjà, Gaspard Dalin? Du fait de l'acidification des sols, il y a des zones de captage d'eau qui sont polluées aujourd'hui, notamment dans le Limousin. Dans le Limousin, on retrouve aussi, il y a des associations environnementales qui ont porté plainte, notamment Eaux et Rivières du Limousin, parce que des rivières étaient polluées du fait de l'érosion liée aux coupes rases, liée aux abatteuses, à la mécanisation en fait. Et on retrouve aussi donc des sols qui sont stériles, une perte de biodiversité dans les forêts type monoculture en fait, beaucoup moins d'oiseaux, beaucoup moins d'insectes en fait, mais qui se soucie de la rosalie alpine, du lucan cerf-volant, du pic prune? C'est pas comme le panda l'orang-outan de Bornéo en fait, c'est des animaux qui ne font pas le buzz, mais pourtant en fait on est face à une érosion aussi de la biodiversité en forêt et c'est évidemment quelque chose de regrettable, Gaspard Dalin. Tout cela pourquoi? Parce que au fait, pourquoi a-t-on besoin de Douglas? Eh ben, le Douglas, à l'origine, comme je disais, c'est pour faire du bois de construction. Donc, on pourrait dire très bien, tout le monde rêve de sa maison en bois. Sauf que dans le Limousin, du fait de logique économique qu'on pourra développer, en fait, le bois part pour faire des palettes et donc il sert à construire des palettes. C'est l'usage bas de gamme en fait du Douglas. Donc en fait, le Douglas a été planté pour faire du bois, pour produire de la biomasse. Sauf qu'on l'utilise pas de la bonne manière. Pourquoi? parce que aujourd'hui, on est face aussi à une industrialisation de la première et de la seconde transformation du bois, et notamment des scieries. Racontez-nous. Faut imaginer que dans les années 60, le territoire français était maillé de plein de petites scieries. Il y en avait 15 000, et aujourd'hui, on en a plus que 1 400. Et c'est des scieries qui produisent énormément en quantité, qui sont rentrées dans l'ère du just in time, qui doivent produire énormément et qui coupe le bois qu'à un petit diamètre, le 40 cm de diamètre. Et donc, c'est des arbres de Douglas d'une trentaine d'années. C'est pour ça qu'il faut abattre des arbres jeunes. Oui, on plie en fait le vivant à une logique de marché, à une logique industrielle en fait. Et c'est ça qui est aussi dramatique. Mais alors, oui, en fait, on utilise surtout le résineux en fait maintenant dans les scieries et plus tellement de feuillus, hein, alors que on est largement notre forêt est largement composée de feuillus et c'est vraiment dommage quoi. Et alors, par exemple, les pelets. Parce que on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui, dans un souci écologique, se chauffent avec des poêles à pellets. Ont-ils raison ? D'une certaine manière, oui, mais ce qui est dramatique, c'est de voir aussi comment certaines grandes entreprises, notamment pétrolières comme Total, sont en train de se redéployer dans cette industrie-là. Total est dans le bois de chauffage ? Complètement. Total est même un des leaders du pellet en France. Et en fait, la question, elle est là. C'est comme pour les patates. Est-ce qu'on cultive des patates pour les épluchures ? C'est bien si on arrive à valoriser les épluchures, mais on fait pas des patates pour récolter les épluchures. Bah, c'est pareil pour les pellets. Est-ce qu'on coupe du bois pour en faire du pellet ou est-ce que c'est pour faire du bois de charpente ? Le problème, c'est qu'on est dans une logique où aujourd'hui, on coupe du bois qui aurait pu être valorisé autrement pour faire du bois de charpente, du bois de menuiserie, tout ça pour faire des pellets. Donc voilà la vision bas de gamme de nos forêts. Et c'est ça en fait le grand drame économique de nos forêts, c'est que nos grumes, donc le bois qu'on abat, les troncs qu'on abat, on l'envoie directement en Chine. 20 à 30% de nos chênes vont en Chine. Pourquoi ? Parce que les Chinois n'ont pas suffisamment d'arbres ? Parce que aussi notre économie, oui, les Chinois n'ont pas assez d'arbres, ils ont coupé toutes leurs forêts, mais surtout qu'ils vont, ils ont des tarifs douaniers qui sont favorables, et il faut imaginer que la transformation est moins chère là-bas. La transformation est moins chère, et le problème, c'est que aussi notre économie de première et seconde transformation a été complètement déstructurée. Comme je le dis, aujourd'hui, il n'y a plus que 1 500 scieries, donc on coupe pas assez d'arbres, et tout notre bois va en Chine, et c'est dramatique. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir alors aujourd'hui comme sursaut ? Qu'est-ce que l'on pourrait imaginer, parce que on voit bien finalement, Gaspard Dalin, ce que c'est le souci que les consommateurs ont d'une alimentation plus saine qui a pesé et qui fait aujourd'hui que le bio est plébiscité par de plus en plus de monde. Qu'est-ce qui pourrait se produire de comparable pour les forêts ? C'est vrai qu'on touche du bois tous les jours, en fin de compte. Le bois, il est partout. Mais on se pose pas de la question d'où il vient, comment il a été façonné, si, comment il a été créé. Très peu. On s'est posé la question, par exemple, pour les bois exotiques. Oui, voilà. Mais en fait, c'est pas aussi direct que pour l'agriculture, quoi. Maintenant, aujourd'hui, autant la question des produits locaux, des circuits courts, de l'agriculture biologique est très présente, autant cette question forestière est encore peu soulevée. Et donc, oui, je pense que ça viendra des consommateurs, mais pas seulement, en fait. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience, en fait, de l'état de nos forêts. On a été dépossédés de nos forêts. C'est quand même un tiers de notre territoire national. C'est 30% du territoire national. Donc, ce n'est pas rien, quoi. C'est 16,9 millions d'hectares, mais les gens ne savent pas comment ils sont gérés. Donc je pense qu'il faut une prise de conscience. Et après, il faut aussi combattre certains lobbies qui sont bien présents et qui poussent à industrialiser cette filière. Merci beaucoup, Gaspard Dalin. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Main basse sur nos forêts » publié aux éditions du Seuil. Superfell a été déglingué par Daphné Abgral à la production, saccagé par Louis Bardinet à la technique et surtout ruiné par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.